Quatrième partie, chapitre 6, huitième section, l'absolution. Les confesseurs doivent-ils toujours donner l'absolution à ceux qui se confessent? Les confesseurs ne doivent donner l'absolution qu'à ceux qu'ils jugent bien disposés à la recevoir. Les confesseurs peuvent-ils quelquefois différer ou refuser l'absolution? Non seulement les confesseurs peuvent, mais ils doivent différer ou refuser l'absolution dans certains cas pour ne pas profaner le sacrement. Quels sont les pénitents qu'on doit considérer comme mal disposés et à qui l'on doit ordinairement refuser ou différer l'absolution? Les pénitents qu'on doit considérer comme mal disposés sont principalement, premièrement, ceux qui ne connaissent pas les principaux mystères de la foi ou qui négligent de s'instruire des principaux points de la doctrine chrétienne qu'ils sont obligés de savoir selon leur état. Deuxièmement, ceux qui sont gravement négligents à faire leur examen de conscience et qui ne donnent pas des signes de douleur et de repentir. Troisièmement, ceux qui, le pouvant, ne veulent pas restituer le bien d'autrui qu'ils ont pris ou rétablir la réputation qu'ils ont enlevée. Quatrièmement, ceux qui ne pardonnent pas du fond du cœur à leurs ennemis. Cinquièmement, ceux qui ne veulent pas employer les moyens nécessaires pour se corriger de leurs mauvaises habitudes. Sixièmement, ceux qui ne veulent pas fuir les occasions prochaines de péché. N'y a-t-il pas trop de rigueur de la part du confesseur à différer l'absolution aux pénitents qu'il ne croit pas encore bien disposés? Non, il n'y a pas trop de rigueur de la part du confesseur à différer l'absolution aux pénitents qu'il ne croit pas encore bien disposés. C'est au contraire de la charité. Il agit comme un bon médecin qui essaie de tous les remèdes, même désagréables et douloureux, pour sauver la vie du malade. Le pécheur à qui on diffère ou refuse l'absolution, devra-t-il se désespérer ou s'éloigner tout à fait de la confession? Le pécheur à qui on diffère ou refuse l'absolution ne doit pas se désespérer ni s'éloigner tout à fait de la confession, mais il doit s'humilier, reconnaître son état déplorable, profiter des bons conseils que lui donne le confesseur, et ainsi se mettre le plus tôt possible en état de mériter l'absolution. Que doit faire le pénitent par rapport au choix du confesseur? Un vrai pénitent doit se recommander beaucoup à Dieu pour le choix d'un confesseur pieux, instruit et prudent. Puis il doit se remettre entre ses mains et se soumettre à lui comme à son juge et son médecin.